ici. À base de rime aiguisée, ça finit plus qu'ici. Comment ça, quoi. Rap non épuisé, j'ai eu la flamme. La première fois que j'ai embrassé le beat, après ces rimes, ça m'a fait les félins tout big. C'est grave, trop tremble. Mon gars, cherche-moi quelqu'un de ma trempe. Je n'attends pas, quoi qu'il que commence ça. Est-ce de ma faute si je maîtrise cette ta-ta-ta. Ego trip, on met tout à niveau. La connexion se fait entre Saphir et Sancho. Je reste vrai, et je le fais pour eux. Je reste vrai, fidèle à mes R.E.V.E. À mes principes, j'y suis accroché. Approché, écoutez nos envies de rimer. Hey, expose, X-chose. M'ont fait tellement rire que cette fois j'ose. C'est comme ça qu'on donne ça. On reste là, on reste vrai. C'est comme ça qu'on donne ça. On reste là, on reste vrai. C'est comme ça qu'on donne ça. On reste là, on reste vrai. C'est comme ça qu'on donne ça. On reste là, on reste vrai. Off, si tu n'aimes pas. Que des vérités que j'expulse de ma boca. J'ai pas choisi de qu'un faire le brigand. C'est pas palpitant pour toi, un excitant. J'embobine personne à faire le guerrier. Reste fait en prenant soin de ton derrière. Sois plus actif quand vient les jours fériés. C'est un remède qui sort du barillet. Faut varier son flow, trouver le juste milieu. J'entre pas dans le clash, je m'éloigne en supérieur. Le récit d'un saphir, chapitre numéro 1. Piste 2, on veut pas tenir le flambeau mais rester humble. Un featuring qu'on va défendre en vivant en direct. On va te réchauffer, te faire travailler ta mec. On aime donner des secousses fort. Dans la foule ça se pousse, pousse. Man que ça se pousse, pousse. C'est comme ça, on donne ça. On reste là, on reste vrai. C'est comme ça, vrai. On donne ça, vrai. On reste là, on reste vrai. C'est comme ça, on donne ça. On reste là, on reste vrai. C'est comme ça, vrai. On donne ça, vrai. On reste là, on reste vrai. C'est comme ça, on donne ça. On reste là, on reste vrai. C'est comme ça, vrai. On donne ça, vrai. On reste là, on reste. C'est comme ça, on donne ça. On reste là, on reste vrai. C'est comme ça, vrai. On donne ça, vrai. On reste là, on reste vrai. C'est grave, trop grand. J'embobine personne à faire le guerrier. Reste paix en prenant soin de ton derrière. On reste là, on reste vrai. Que des vérités que j'expulse de ma boca. Expose, X-chose. M'ont fait tellement rire que cette fois j'ose. On reste là, on reste vrai.